êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à Assemblage requis. Stéphanie Gagné fait cuire un de ses plats favoris dans son Easy Bake Oven. Et on reçoit. Oui, mon micro de fond. Ben oui. Oui. Okay. Non, t'entends pas? Hey, t'entends pas? Non, c'est pas grave. Exactement. T'es là. Eh, hey, bonjour. Là, je m'entends. Le pire, c'est que c'est tellement fréquent ces temps-ci que j'oublie d'ouvrir les micros que ça aurait très bien pu être ça. Mais pour une fois, que c'était pas ça. Non, c'était pas ça. Et je m'entendais pas dans mes écouteurs. Donc, je me suis dit, mon micro est pas ouvert. Mais là, est-ce que tu t'entends? Oui, là, je m'entends très bien. Okay. Donc là, je m'entends très bien. Et en fait, je m'en ai dit, on reçoit Marie-Pierre Laforge-Bourret avec sa chronique littéraire. Ouais. Mais je l'ai pas dit. Ben non, mais là, c'est dit. Là, c'est dit. Exactement. Donc, bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 17 avril 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Tout à fait vrai. Donc, on va voir Stéphanie Gagné à 7h30, tantôt pour sa chronique Ton plat favori. Okay. Oui, elle va nous parler de... en tout cas, au moins, elle va nous faire entendre la musique de Alt-J et de White Rabbits. Alt-J? Alt-J. J? Ouais, je sais pas si ça a rapport avec un film ou quelque chose du genre. On va en parler avec elle tantôt. OK, formidable. Elle nous donne que des pièces, c'est comme un genre d'indice. Parfait. Petit indice aussi, pour m'écréditer. OK. Je te parle d'un spectacle qui a eu lieu hier, ici même à l'UQTR. Oh oui! Oh, devinez c'était ce que caché. C'était. Oui, très caché. Donc, je vous en parle en microdité. Un peu plus tard. Finalement, est-ce que c'est à Chapelle? C'est à Chapelle. C'est à Chapelle. OK. On en parle tantôt avec Steph et toi et moi. Hein? Ouais. comme tu l'as dit, ben ça, normalement, on le répéterait là, alors qu'on l'aurait dit dans l'intro, mais comme on l'a dit il y a deux secondes, c'est quand même la chronique littéraire de Marie-Pierre. Elle va nous parler d'un livre. Exactement. Pas grand détail à dire de plus que ça. Ça, c'est vers les 8h30. Exactement. Entre tout ça, en début d'émission et à 8h, il va y avoir la chronique CNX et la chronique C'est un fait. Formidable. Que de bonnes choses aujourd'hui. Mais on va débuter avec Ariane Moffat. La pièce Too Late. Parce qu'il n'est jamais trop... trop de bonheur. Trop de bonheur, oh. Il était de bonheur un matin. C'est de bonheur. C'est le fun, je pense, de bonheur. On a du fun de bonheur. Fun de... Le matin. Tôt le matin. Et qu'on a du fun. Et on s'enlève et on... Oh, c'est ça. On va crier. Ouais. Claque-toi ses cuisses. ça fait mal, ça. I miss your energy, your ADD. I miss your fears, the souvenirs. I miss your sweet taste, you laughed hysterically. I miss your grace and your flexibility. I miss the nights, the frantic pace. I miss the consequences, the price to pay. Oh, I miss Paris, pornography, your charge on me. I miss the way you used to love me. Formation Grimes et la pièce Oblivion. Celui-là, tu veux que je parle? J'étais là, je faisais des signes à Mathieu. À Mathieu Plante, évidemment. Hein. Ben oui. Tu ne connais pas Mathieu Plante? Les autres Mathieu, hein? Eh hey boy. On sent ça. Ils ont tous deux T dans le nom. C'est n'importe quoi, ça. Hein? Mathieu avec deux T, merde. Mathieu, non, j'ai rarement vu ça. Hey.

Une de mes préférées jusqu'à maintenant, moi, dans Scénic. Je l'adore, celle-là. Hey, fais-moi pas ça. Fear of Dark, oh, Pancake boy. Department. Hey, je m'en ai dit Game Over. Ouais. Ben, on va prendre une petite pause de bord à Game Over. Ouais, okay. C'est pas mal ce que ça veut dire. On vient avec Stéphanie Gagné, ton plat favori. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis en pièces. Détaché, Mathieu, Blonde, François, Olivier, Marchand. 7h40 en ce mardi 17 avril. À François-Olivier Marchand. Ouais, après des pauses. François, Olivier, Marchand. Ben comme Mathieu, pause, Blonde. Oui. Pause, oui. Elle dit pas. Oui, oui, non mais elle dit pas, c'est ça. Hey, j'ai parlé à Steph. Je sais pas si elle va être en état de faire sa chronique. Et Colin, mais il va falloir qu'elle se force un peu parce qu'il en reste pas bien les petites chroniques. Okay, bon, on va la forcer. Ok, ben voici ton plat favori. Steph, bonjour! Hello! Hey! Ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va, ça va? Ça va très bien, un peu moins bien depuis qu'on a appris que t'es proche de ta dernière chronique pas mal, hein? Non! Ouais, je sais! Ouais. Comment ça? Je vais être content. Ben non, hey, vraiment pas. Tu me prêtes des intentions qui sont pas les miennes. C'est vrai! Je t'ai dit! Moi, en tout cas, c'est... T'écris pas! Ben, arrête donc! Tu me crées pas pour vrai? C'est une joke. Bon. Non, mais... c'est une joke, là. Ben, c'est ça. Bref, j'allais dire, oui, on va s'ennuyer de toi après, quand tu vas être parti, mais on a encore un petit bout de temps à passer en ta compagnie pour ta chronique, ton plat favori. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous présentes, Steph? Pour commencer, je vous présente le groupe Alt-J, A-L-T-J. En fait, le nom du groupe, c'est une image, c'est un triangle. Mais évidemment, faut trouver une façon de les nommer. Donc, on appelle le groupe Alt-J parce que c'est il faut faire Alt et la touche J sur les Mac pour que ça donne le triangle. Ah, supposément, je n'ai pas testé. Mathieu, est-ce que tu peux faire le test? Ben moi, ça fonctionne. C'est un vrai petit triangle. T'as raison, tout à fait. Ça dessine un triangle, ça fonctionne. J'étais sûr que ça fonctionnerait pas. Dans ton écran? Oui. Ben c'est un caractère. Là. C'est le caractère du triangle. Je sais pas à quoi il sert en tant que tel. Je sais pas pourquoi c'est sur le clavier par défaut, mais c'est ça. Je sais pas, mais avec les PC, ça fonctionne pas comme ça, mais je me suis dit que j'allais te faire tester ça. Donc, c'est ça, le nom du groupe, c'est un triangle. C'est un groupe assez récent, il y a pas beaucoup d'informations sur le groupe. On sait que c'est un trio de Leeds au Royaume-Uni. Ils n'ont pas encore d'album. Leur premier album, An Awesome Wave, devrait sortir au mois de mai au Royaume-Uni, mais à savoir si l'album va aussi sortir au Canada. Des fois, ça prend un petit peu de temps avant que l'album sorte de notre côté, ou peut-être même des fois ça sort pas, mais c'est quand même disponible sur Internet. Ils ont sorti leur premier single, c'est Breeze Blocks, une chanson qui commence tranquillement, mais à la fin on peut entendre des harmonies de voix vraiment épiques, là. J'ai vraiment adoré. On peut voir les influences avec Radiohead, Clap Your Hands, Say Yeah. Et aussi, la chanson est accompagnée d'un vraiment un très beau vidéoclip qui est filmé à l'envers, donc de la fin jusqu'au début. Et c'est quand même un vidéoclip un peu intense, mais quand même très, très bon. Alors, c'est mon premier groupe, la chanson Breezebox du groupe Alt-J ou Triangle que tu peux faire sur ton Mac. C'est ça qui me surprend qu'ils aient trouvé le nom Alt-J, alors qu'ils auraient pu juste appeler ça Triangle. Si tu cherches comment les appeler, Triangle. Non. Ouais, mais il doit y avoir d'autres groupes qui s'appellent Triangle. Ouais, j'imagine. Donc, c'était raison de ne pas choisir un triangle comme nom parce que c'est pas très original. Ah! Tu sais, non? Non? Mais au début, il y avait un autre groupe de musique, un autre nom plutôt de groupe. Puis finalement, ils se sont fait avoir parce que là, il y avait un autre groupe qui s'appelait comme ça. Fait que là, bref, ils ont eu plein de problèmes. Fait qu'ils ont décidé de choisir quelque chose que vraiment personne n'allait avoir, le triangle. Bon. Un peu comme Prince. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que Dieu a inventé le Google. pour voir si d'autres gens s'appellent ouais. aussi comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Bref, ça n'enlève rien à ce groupe-là. Alt-J. Oui, Alt-J. Et mon deuxième groupe, dans un style un peu différent de Alt-J, c'est White Rabbits, un groupe rock des États-Unis. Ils viennent du Missouri, mais ils habitent maintenant à Brooklyn. Ils ont trois albums. Le dernier est sorti au mois de mars, Milk Famous. Ils ont déjà joué avec The Walkmen, Interpol, Spoon, Kaiser Chiefs aussi, qui avait déjà été le sujet d'une de mes chroniques. Ils ont aussi joué sur la scène principale du festival Coachella en 2010, qui est quand même pas rien, parce que c'est quand même un gros festival qui, justement, a commencé en fait l'année passée. Cette année, c'est deux fins de semaine de suite. On pouvait le regarder live sur YouTube. Oui, moi j'ai essayé, mais j'ai un léger problème avec mon ordinateur. Je peux pas les voir, je peux juste l'entendre. Ah. Mais je vais sûrement être capable de trouver ça sur YouTube plus tard, à un moment donné. C'est mais ça. J'avoue que c'est vraiment le fun, vu que ça coûte quand même assez cher de se rendre jusqu'au festival Coachella en Californie. Puis tout le billet pour les trois jours, c'est pas donné. Fait que sur YouTube, c'est moins pire. Ouais. Et la chanson que j'ai choisie de White Rabbit, c'est Percussion Gun. Et comme ils disent dans la chanson, dans le titre plutôt, il y a beaucoup de percussions, il y a beaucoup de snares. Je trouve que ça donne beaucoup de poids à la chanson. Un peu comme The Stills avait fait avec leur chanson Snake Charming Masses, qui commençait avec beaucoup de drums. Donc ça attire l'attention tout de suite quand une chanson a des percussions assez dominantes. Et aussi, le groupe est aussi bon en live qu'en studio. On peut voir un clip de cette chanson-là, Percussion Gun, un vidéo de la Blogothèque. Donc, le groupe qui se promène et qui interprète la chanson à Venice Beach à Los Angeles. Très, très bon vidéo. Mm-hmm. Alors, voilà. C'est tout, déjà. C'est tout. Oui, c'est mes deux groupes d'aujourd'hui. Ben oui. Est-ce qu'il nous reste, ça veut dire, juste une semaine avec ta chronique la semaine prochaine? Oui, juste une. On dira au revoir pour l'instant. On va juste écouter ta musique et savourer ça. Voilà. Donc, merci Steph. Merci Steph. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On écoute tout de suite la pièce de Alt-J. Voici Breeze Blocks au 89 FM. Puis ça, là, ça va partir là, dans les prochaines secondes. Je te garantis ça. Check-moi. Ah oh, ouais, c'est garanti. Check-moi. Ben, c'est pas garanti, mais regarde ça. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fevers greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the waffins go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and say, my love, my love, love, love. La la la la, muscle to muscle, toe to toe. Let's see, my love, love, love. She bruises calls, she's blood as pistol shows. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine. My love, my love, love, love. Soggy clothes and breeze blocks. Jermaine, disinfect the scene. My love, love, love. Please don't go. I love you so, my lovely. Please don't go, please don't go. I love you so. Les deux pièces de la chronique et ton plat favori de Stéphanie Gagné. On vient d'entendre Percussion Gun de la formation White Rabbits, débuté avec Alt J. Et la pièce Breeze Block, c'est pour accompagner le plat favori. Il y a toujours les crudités de François-Olivier. Oui, exactement. Écoute, je te parle d'une activité qu'il y a eu hier sur le campus, Mathieu. Je te laisse deviner d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a eu hier? C'est quelque chose avec la grève, manifestation? Non, c'était la finale de la Luitre hier. Oui. Et puis il y avait les soirées cachées de Sifu. Ah! La dernière, le dernier spectacle en fait de l'année. On peut aussi appeler ça la deuxième. Oui, mais oui. Aussi dernière. Oui, c'est la dernière parce que ça devrait recommencer en fait en septembre, là, dès la rentrée. Là, bon. Tant mieux, tant mieux. Et puis, ça a bien fonctionné. Hier, ça se déroulait du côté de la chapelle. Ça a commencé vers les 10h30. En fait, le premier groupe à avoir joué, ce sont les Rescapés. Les Rescapés ont fait la première partie des Vulgaires Machins. Ouais, on a entendu hier à l'émission, lundi, si vous étiez là. Oui, c'est ça, exactement. Et c'était très bon, en fait. Petit coup de cœur ici, là, ça sonnait très bien. Et puis, non, j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Et puis, évidemment, la tête d'affiche, c'était la formation Mauve. La formation Mauve, d'ailleurs, qui joue beaucoup assez fou. Oui, oui, c'est vraiment un groupe... C'est le groupe de l'heure, en fait, là, je pense, en ce moment. Et il mérite, tu sais, des fois, la saveur du moment, on trait pas, mais ça, c'est très, très... Oh, ouais, c'est ça, exactement. Il mérite amplement. Et puis, les gars étaient ravis, en fait, de venir à Trois-Rivières. Il était ravi d'ailleurs de... C'est un groupe de où déjà? De Québec. Québec. Et puis, qui venait d'ailleurs présenter leur premier disque, parce que c'était la première fois qu'ils venaient à Trois-Rivières. Ouais. Voilà, et puis c'est ça que les gars, en fait, étaient ravis de venir ici à Trois-Rivières. C'était la première fois. Et puis, en fait, une belle réponse du public. Ça s'est bien déroulé, les gens ont dansé. On va être à peu près, je sais pas, là, dans les chiffres, jamais très bons. Je dirais peut-être 50-60. Si tu dis que les gens dansaient, est-ce qu'ils faisaient des moves, t'sais, move, t'sais. Des moves. Des moves. Un peu, là, en fait. Oh, oui, exactement. Quand tu danses, en fait, t'as comme pas le choix à l'en faire un peu. Donc, voilà, en fait, bon coup de cœur. Donc, je prends l'occasion pour remercier Magali Julien, l'investigatrice de tout ce beau projet. L'investigatrice. Ben, écoute, c'est la voix avec un trench coat, elle aurait bien de l'allure, mais ouais. Ouais. Mais c'est ça, l'investigatrice, en fait, là, qui a parti ça, en fait, qui a pris toutes les responsabilités sous ses épaules. Elle s'est bien entourée, d'ailleurs, une belle équipe. Ça a bien fonctionné. Ouais. Donc, félicitations et puis une belle réussite. Ouais. Une belle surprise. T'es très bon d'aller là tard le soir, toi. Pour vrai? Ouais, mais c'est ça, là. Écoute, je suis fatigué. T'avais un cours hier aussi, je pense. Ouais, je suis pas retourné chez nous. Ouais. Donc, je suis retourné chez nous, il était 1h30. T'es arrivé à 7h moins quart, comme à tous les jours. Ouais. Ça fait pas une grosse nuit. Pas une grosse nuit. T'es un courageux. Mais en tout cas, bref, c'était bon. Ça valait la peine. D'ailleurs, c'était gratuit. C'était ouvert étudiant, pas étudiant. J'ai même vu des gens, en fait, qui étaient pas étudiants. Qui était là. C'était un beau succès. Donc, c'est ça. Après, j'imagine, après ton dessert, oui, c'est ça, on va entendre deux pièces. La formation Mauve qui jouait hier et puis la formation On a créé un monstre qui, eux autres, en fait, ouvraient les soirées cachées pour la première édition dans le mois de mars. Si oui, c'est ça. Et comme tu dis, il faut être à l'écoute pour le mois de septembre parce que ça va revenir. Puis, oui, c'est ça, exactement. Voilà. Donc, merci beaucoup, François. Ça fait plaisir, Mathieu. Je m'excuse de t'avoir corrigé sur le mot cicatrice. Non, c'est pas correct. Pour compléter avec mon dessert délicieux de Mathieu, c'est vraiment très, très simple, comment stupide. Là, c'est une petite vidéo sur le site Dorkly qui nous montre... Tu sais, dans Mario Bros 3, là, quand tu vas dans la petite maison de Toad, là, ils t'offrent trois petits coffres en bas, puis tu peux avoir des petits bonus, genre, mettons, une feuille. Oui. Bon, c'est bon. Fait qu'on trouve tout le temps, on tombe tout le temps sur un champignon. C'est tout le temps le pire bonus que tu peux avoir, le champignon. Donc, tu tombes tout le temps là-dessus. Et cette vidéo, elle nous explique pourquoi, un petit peu, puis je trouve ça bien drôle, c'est en anglais. Là. Pick a box! Its contents will help you on your way. All right, let me see here. Oh, mais attends, un peu moins aller voir. Attends, on va prendre... No, you know what? The middle one. On va prendre le milieu. The middle one, I never pick the middle one. Je prends jamais le milieu, pour prendre le milieu. Never pick. Oh, come on! Oh, ben non, franchement. So fuck, Mario. Maybe next time. Et dis peut-être la prochaine fois. Là, évidemment, après ça... Il ouvre les deux autres coffres, c'est aussi des champignons. Et le Toad s'est dévoilé, il est un crasseur. This must be some kind of mix-up. The other ones must be... In another castle? Fait que les, dit, another castle? Les autres bonus doivent être dans un autre château, là, tu sais, comme la princesse. Comme... No one not fait que là, ben, Mario ne le prend pas. Fait qu'il s'en va, puis il sort son fusil. Please, Mario, non. Puis là, il arrive devant toi. Puis il dit, il va falloir que tu me donnes un habit de renard. Fait que là, ben, finalement... C'est cool, ça, le habit de renard. Hein. Fait que Toad lui donne. Et puis il dit, Toad dit, ben, est-ce que tu vas me tuer quand même, tu sais? Fait que là, ben, on sait pas encore. Là, on change de scène. Et là, c'est Luigi qui arrive à la maison de Toad, qui pogne aussi. Attention. Non, c'est ça. Puis ben, c'est le Toad qui est mort dans la scène précédente. C'est le... Ah, oh, ouais. Bon. Pognez ça où? Sur YouTube? Ben, c'est sur Dorkly, mais ça doit se retrouver sur YouTube aussi. Et, si ouais. Vous voulez le voir, d'ailleurs, c'est assemblageequipe.com. Exactement, c'est très bien fait. Même si je dis le punch comme ça à la radio, c'est très bien fait. C'est super. Voilà pour le plat favori de Stéphanie, les curiosités de François-Olivier, le dessert délicieux de Mathieu. Merci, merci, merci. On est rassasiés. Oui, exactement. Ben, en fait, on va être rassasiés quand on va avoir entendu les pièges, je pense. Je pense que oui. Je pense que raison, oui. Ça va aller mieux. Est-ce qu'on commence avec Mo? Commençons avec Mo. Bon, oui. Ben, allons-y. Merci, Mathieu. À son âge, Ricky. Merci, François. Dans la lueur de l'oasis blanc, j'ai senti tes flancs qui s'embrasait, j'ai cru voir le soir s'enflammer dans tes blonds cheveux. Je me sentis bleu de laisser choir la fin de l'histoire. Debout sous les avocatiers, mon cœur j'ai semé pour que tu puisses enfin y goûter. Chérie, écoute-moi, je sais que tout finira par s'arranger. Bon, écoute-moi, ma chérie. Vent du nord qui ne cesse de souffler, je m'en suis méfié. Il voulait loin de toi m'emporter. Tout mon cœur avait fleuri de ton sein nourri. We'll be right back. Bien plus chaud hier, non? Fait chaud. Fait chaud. Hier, fait chaud. Tu plein dégage beaucoup, hein, vous savez. Ben, j'avoue, moi, de l'amour et tout le reste, là. Au micro, ça paraît peut-être. Ben, ça paraît, mais. Non, non, mais vous le sentez pas autant que moi. Il a l'air froid, radio, non, non, mais non, au contraire, en fait. T'as de l'air chaleureux et t'as de l'air. Tendre. Mais t'as de l'air gentil, en fait, à la radio. Sympathique? Sympathique. Ben, au crime, j'ai réussi ma mission d'avoir l'air sympathique. Ouais, ouais, t'as l'air. Bon. C'est tout ce que j'ai dit. On va entendre les deux pièces du dessin, donc des crudités de François-Olivier, c'est vrai? Oui, exactement. Deux formations qui ont participé aux soirées cachées de C'est fou. Donc, Mauve voilà. Et on a créé un monde. Tout à fait. C'est ça. Et c'est à la fin de cette chronique des plats favoris. On se retrouve la semaine prochaine pour une dernière chronique avec Stéphanie Gagné. C'est mardi prochain à 7h30. Parfait. Voilà. Et nous, ben, c'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On se retrouve tantôt à 8h30. On aura Marie-Pierre Laforge-Bourret. Avec sa chronique littérature. Exactement. On aura aussi C'est un fait. Dans quelques minutes. Formidable. Tu me parles de quoi? De quoi je parle? Ouais. Entre autres de margarine. Oh. Des biscuits Oreo. La couleur de margarine, non? Ouais, un petit peu. Un petit peu. Des biscuits à briseau de chocolat. Oh. L'inventeur de la caméra. OK. Photo. Et des faits sur le Titanic. Oh, on sait que Titanic revient en mode, là. Ben, c'est un peu ça, hein. On va profiter de ça pour monter nos codes d'écoute, toi, là! Reste là. Assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Il est 8h11 en ce mardi 17 avril 2012. Lui, c'est François Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Ah! Wow! Les mains en l'air, tout le monde, like you just don't care. Oh! Your hands in the air, like you just don't care. Donc, Marie-Pierre Laforge-Bourret dans une vingtaine de minutes avec sa chronique littéraire. Mais pour l'instant, on écoute Peter. Oui, avec une pièce que ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas entendue ici à Assemblée de Requis. Ben oui. Et c'était un hit. Oui. C'était vraiment un hit. Voilà, c'est assez fou, mais oui. Non, on l'aimait bien, en fait. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut dire qu'il l'aimait pas, cette pièce-là. Mais vous avez pas de cœur, c'est le cas. Hein? Oh, vous avez pas de cœur, là. Tu pousses l'audace assez loin. Écoute, ouais. je te laisse dire le titre. C'est Oma. Oma, de Peter. Je laisserai les marées passer me raccompagner jusqu'à chez moi. J'implorerai le temps qui passe de cesser de passer par là. La nuit est jeune à ce qu'on dit baliverne. La nuit est vieille et périssable. Elle est inflammable. Homa, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Homa, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Homa. À me regarder mourir de honte. Il y a à boire et à fumer mes îles. Il n'y a rien à croire. Une tumeur, médaille d'or, a dévoré mes espoirs olympiques. Je n'ose plus sortir dehors. J'ai peur de m'y perdre encore. Homa, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Homa, ma maison qui brûle, je fume ma Peter et la pièce Homa à Assemblage Requis. Wow! Fait du bien, Martin. Wow, ma! Wow, ma! Oh, mamma mia! Bon. Bon. Maintenant, c'est la chronique, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Évidemment, plein, on veut s'apprendre des choses. Hein? On n'est pas, pas des stupides, on n'est pas des idiots, on n'est pas des stupides. On n'est pas fermés aux connaissances. Ah, hein? Tout à fait. Bon. Par contre, on commence avec des faits du Titanic, donc ça va être très, très grand public. T'sais? OK. Très, tout le monde très Titanic, il n'y a personne qui n'aime pas ça, je pense, en ce moment. C'est la grosse mode, là, le retour et tout ça, de choses, là, avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Et bien, justement, pour briser la glace avec Leonardo DiCaprio, Kate Winslet lui a montré ses seins sur le plateau du film. Oui? Quand elle a appris qu'elle allait être nue dans une des scènes, oh, elle ouais? s'est dit, m'a brisé la glace, m'a montré. Bam, t'es. Wham, bam, thank you, ma'am. Elle va être contente. J'imagine. James Cameron. Donc, James Cameron, on le sait, il fait des trucs sous-marins depuis très longtemps. Il est descendu avec le Challenger Deep récemment. C'est lui qui a écrit l'histoire du Titanic. C'est lui qui a, je sais pas, c'est lui qui l'a réalisé. Ouais, c'est lui qui l'a réalisé. Écrit, je crois pas. Non? Je crois pas. Peut-être, mais je suis pas sûr. Je pense qu'on en parle plus tard, en fait, dans mes faits sur le Titanic. Donc, c'est ça, il fait des trucs sous-marins depuis très longtemps. Et pour filmer l'extérieur... du Titanic, il a développé une nouvelle caméra qui allait supporter la pression de l'eau à cette profondeur-là, donc il a aidé au développement d'une caméra sous-marine. Malgré le fait que Rose est une des personnes qui a été sauvée sur un morceau de bois à la fin du film, là, Rose, c'est le personnage de Kate Winslet, Kate qui a attrapé la pneumonie à cause de cette scène-là. C'est vrai. C'est une des seules personnes qui n'a pas porté de wetsuit quand ils ont filmé la scène. L'eau était tellement froide que ça l'a rendu malade, ça aurait pu rendre tout le monde malade, mais la plupart des gens avaient un wetsuit. Bon, ouais. C'est quand même particulier. James Cameron qui a réussi à convaincre Fox de financer le film en leur disant que la publicité autour du vrai Titanic dans la vraie vie, parce que vous savez, le Titanic qui est au fond de l'eau. Hein? Qui est au... C'est ça? C'est bien ça? Ouais. Qui est au fond de l'eau. Il avait été exploré. Je savais pas qu'il oui, avait il est allé sombré. Filmer ça. Ah, tu savais pas qu'il avait sombré. Ah, un petit cocasse. Mais non, c'est ça, les restants du Titanic sont au fond de l'eau et puis James Cameron est allé visiter ça, comme on avait dit précédemment. Ouais, il était voir ça, là. C'est ça, ben c'est ce qu'il avait dit à Fox pour financer le film Titanic. Il avait dit toute la publicité autour d'aller voir le vrai Titanic dans la vraie vie, ça va faire que les gens vont aller voir le film. Okay. Je pense pas que c'est pour ça que les gens sont allés voir le film, honnêtement. Mais bon, quand même, c'est ce qu'il leur a dit. Le film a gagné 11 Oscars. On parle toujours de Titanic. Seulement un film avait gagné 11 Oscars à l'époque. Ça dit pas lequel dans l'article. Il y a aussi un honneur unique. C'est le fait que c'est un de deux films, un parmi deux films, où deux actrices ont été nominées pour jouer après avoir joué le même rôle. Donc, Kate Winslet et Gloria Stewart ont été nominées pour avoir joué Rose à deux époques différentes dans le même film. Donc, c'est deux personnages. Un personnage, deux personnes. OK. Quand même. Ensuite, la scène où l'escalier, il y a un escalier à un moment donné dans Titanic là, qui se fait inonder. Je sais pas, je l'ai juste vu quatre fois. Juste quatre fois. Ouais. Ouais, mais les escaliers sont détruits, OK? Mais ils ont pu filmer cette scène-là une seule fois. Donc il fallait que ça soit bien. Il fallait que ce soit bien fait. Ça a utilisé 90 000 gallons d'eau. Hey! 90 000! Ça devait être toute une logistique, par contre. Ça doit. Pour faire que les salles de machines, la salle des machines dans le Titanic ait l'air plus grosse qu'elle l'était vraiment, ils ont engagé des acteurs qui mesuraient moins de 5 pieds. C'est vrai. Ça arrive souvent, ça? Ben, je sais pas si ça arrive souvent, mais dans ce film-là, je sais pas pourquoi, mais ils ont décidé ça. Ça devait coûter moins cher de construire cette salle-là. C'est sûr. Je sais pas, mais c'est quand même quelque chose. Ensuite, le succès du film au box-office est quand même extrêmement rare. Le mois de décembre n'a jamais été considéré comme un mois très lucratif pour les films. Je sais pas si ça a changé depuis, mais en tout cas, c'était comme ça à l'époque. Le box-office, donc, était stable. À la place de décliner semaine après semaine, le box-office de Titanic est resté quand même stable. Et en fait, son plus gros week-end, j'aime pas ça les gens qui disent week-end, donc la plus grosse fin de semaine, tu sais, était un mois après la sortie du film. Okay. D'habitude, tu commences fort et tu redescends avec les semaines. D'habitude. C'est le premier film à avoir gagné l'Oscar pour meilleur film qui a été produit, réalisé, écrit et monté par James Cameron. Mais ça, c'est ça qu'il avait pas tout fait. Je savais pas qu'il avait écrit. Tant mieux pour lui. Et puis, si on ajuste pour l'inflation, ça a coûté quand même plus d'argent faire le film Titanic que de construire le vrai Titanic dans la vraie vie. T'es pas sérieux? Non, mais quand même. T'avais l'air sarcastique, là, comme si tout le monde savait ça. Là. Non, vraiment ça, pas. Ça se peut. Mais en tout cas, moi, je le savais pas. Là. Mais moi non plus. Tant qu'à ça, il aurait dû en refaire un autre. Non, mais tu sais. Oui, c'est sûr. Puis écoute. Ben, il aurait fait un Titanic 2 avec en faisant couler, tu sais. Peut-être. Avec là, il aurait tout filmé. Ouais, c'est ça, là, il aurait tout filmé. Hey, il y a une télé-réalité. Titanic qui coule. Wow. Moi, je pense qu'on vient de faire des millions, le Drey, là. Ouais. Il y a une femme qui a survécu d'ailleurs au coulage du Titanic. Des accidents aussi sur deux de ses bateaux sœurs. Une femme qui a survécu à trois accidents de bateau. C'est Violet Constant Jessop, qui est une des femmes les plus chanceuses de l'histoire. Ou malchanceuse. Ou malchanceuse, exactement. Mais elle a survécu, donc quand même est chanceuse. Donc, elle était, je sais pas comment on appelle les hôtesses de l'air dans un bateau, là. Des hôtesses de la mer, j'imagine. Quand on appelle ça des... Je sais pas. Une hôtesse, mettons, sur le bateau. Elle a survécu, quand le RMS Titanic a coulé. Et le HMHS britannique en 1912 et en 1916. Elle était aussi à bord de l'RMS olympique en 1911, qui a presque coulé après avoir frappé un autre bateau. Donc, Violet était à bord du Titanic. Elle travaillait comme hôtesse. Quand le bateau a frappé l'iceberg, elle a embarqué sur un des bateaux de sauvetage, des petits bateaux de sauvetage. On lui a donné un bébé à surveiller et plus tard, le bébé lui a été enlevé sans qu'on lui dise rien, donc quelques heures plus tard. Cette histoire-là a l'air peut-être ennuyante, nous dit l'article, mais elle a survécu au Britannique, qui est beaucoup plus excitant comme accident. Excitant, dépendant de quel bord vous êtes. Là. Donc, le bateau a frappé une mine en 1916, a commencé à couler. Elle était à bord donc du bateau de sauvetage. Elle était très, très proche de se faire aspirer par les hélices du bateau. Tu sais, les hélices peuvent te trancher. Oh, oui, c'est ça, exactement. C'est assez puissant. Là. Ça doit pas ralentir. Là. Ça doit pas. Donc, elle était très, très proche de ça. Elle a dû sauter dans l'eau et se battre pour ne pas se faire attirer, aspirer par les hélices. Elle a réussi. Elle a été sauvée par un autre petit bateau de sauvetage. Pas le fun. Donc, c'est Violet Constant Jessop. En 1827, parlant de bateau, il y a des gens qui ont construit un bateau pirate. On se comprend. En 1827, ils l'ont rempli d'animaux. Ils l'ont laissé tomber en bas des chutes Niagara. C'est un cas de cruauté envers les animaux assez intense, vous allez voir. Donc, un cas de cruauté envers les animaux qui était, dans le fond, une campagne publicitaire, une grosse cascade publicitaire. C'est General Parkhurst Whitney, qui était propriétaire des American Eagle Hotel aux chutes Niagara, proche des chutes Niagara. Donc, en 1827, il a eu l'idée, pour amener des touristes dans son coin, de prendre un bateau qui s'appelait le Michigan Et puis, il l'a décoré en tant que bateau de pirate, même en utilisant des poupées comme pirates, dans le fond, pour donner l'impression que c'était vraiment un bateau de pirate. Ils ont rempli le bateau d'animaux féroces, dont des buffles, deux petits ours, deux ratons laveurs, un chien, entre autres. Donc, les gens pouvaient entrer et voir les animaux, les flatter. Oh, hein? Ouais, on estime qu'entre 10 000 et 30 000 personnes sont venues voir le bateau et les animaux ont été donc attachés et envoyés en bas de la des chutes Niagara. Certains animaux, dont les ours, ont réussi à survivre en arrivant en bas. Ils ont nagé jusqu'à la terre. D'autres disent que les ours ont été tirés après la cascade. Imagine, si tu fais descendre des animaux comme ça d'une chute super haute, puis après ça, tu tires. Bravo, bravo. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ouais. Félicitations. Ouais. Et c'était en 1827. Pas oui. Que ça change quelque chose, mais c'est en 1827. Peut-être que les gens à cette époque-là étaient pas mal pareils comme aujourd'hui, finalement. L'inventeur de la caméra photo, Snapshot Camera, s'est suicidé à l'époque. Oh ouais. Son nom, c'est George Eastman, qui était l'inventeur de la première caméra Snapshot Kodak. Vous connaissez peut-être le nom Kodak. Oui, oh, tout à fait. Oui. En fait, c'est une des marques les plus connues qui ont été inventées à partir de syllabes qui n'ont pas rapport ensemble. Kodak, t'sais, c'est un mot qui n'est pas supposé avoir de sens ou de définition. Bref, ça a amené une révolution photographique qu'on connaît encore aujourd'hui, quoique de nos jours, c'est plus Kodak, c'est iPhone 4S. Là, ouais. Donc, il a réussi à simplifier le processus de la photographie et créer un produit que tout le monde était capable d'utiliser. Donc, pour des appareils photo, c'était nouveau à l'époque. Il a inventé aussi un système où les employés de la compagnie recevaient des dividendes. Donc, les employés de la compagnie étaient un peu propriétaires ou semi-propriétaires de la compagnie. C'était nouveau ça aussi. Tristement, à l'âge de 77 ans, il a attrapé ou en tout cas s'est créé à l'intérieur de lui la maladie qu'on appelle spinal stenosis, qui a rapport, je crois, avec la colonne vertébrale, colonne vertébrale ou quelque chose de genre. Je crois que ça a rapport avec ça. Bref, ça faisait très très mal. Il a décidé de se suicider en se tirant dans le cœur, direct comme ça. Donc, il a laissé une note très courte et très très droite au but qui disait « À mes amis, j'ai fait ce que j'avais à faire. Pourquoi attendre ?» Ouais. Il avait créé l'appareil photo. C'est quand même quelque chose. Snapshot. Maintenant, nouvelle un petit peu moins déprimante. On parle de chocolat et de biscuits aux brisures de chocolat, François. OK. Oui, avant d'avoir des biscuits aux brisures de chocolat, il y avait des biscuits au sucre. Il y avait des biscuits au chocolat, en général, complètement au chocolat. Mais il n'y avait pas de biscuits entre deux. Ça a changé en 1930. Une femme du nom de Ruth Graves Wakefield faisait de la cuisine et on dit qu'elle essayait de faire des biscuits au chocolat, mais qu'elle manquait de vrai chocolat, de pâtissier, là, ou je sais pas où tu prends ça, du vrai chocolat. Donc à la place, elle a ajouté des morceaux de chocolat mi-sucré, qu'on dit semi-sweet. Ouais, je crois. Mi-sucré, exact. Donc de Nestlé, pensant que le chocolat allait se mélanger avec la pâte. Ben évidemment, ça l'a surpris. Les morceaux de chocolat ne se sont pas mélangés du tout. Ça s'est pris à la pâte et ça a fait les biscuits qu'on connaît aux brisures de chocolat aujourd'hui. Graves a vendu sa recette à Nestlé. En échange, non pas d'argent, François, mais de chocolat, de brisures de chocolat illimité à vie. Ah ouais? Quand même pas pire. Ouais. J'en veux de ça, moi. Oublie l'argent, puis on met les pépites de chocolat. Et si on regarde, évidemment, là, on sait ici, si on regarde à l'arrière d'un sac de comment t'appelles ça, de biscuits au chocolat, de brisures de chocolat de Nestlé, ou même à l'arrière des sacs de brisures de chocolat en tant que tel de Nestlé, on peut trouver la recette de Ruth Graves Wakefield. C'est cool, ça. C'est très bien, j'aime ça. Sais-tu que les Oreos ne sont pas les premiers biscuits chocolat crème du tout? C'est pas les premiers. Ils sont arrivés en copiant une autre compagnie. Oh ouais? Ouais, donc les Oreos sont certainement les biscuits les plus populaires au monde, en tout cas les plus célèbres. Par contre, l'idée d'un sandwich biscuit, c'était pas belle à l'heure à cette compagnie-là. En fait, c'est un type de biscuit qu'on appelle le Hydrox qui a été présenté ou introduit sur le marché en 1908. C'est le produit le plus populaire de la marque Sunshine Biscuits. En 1912, National Biscuits a lancé la marque Oreo. National Biscuits, que tu reconnais peut-être si t'enlèves quelques lettres. National Biscuits Company. Nabisco. OK. J'essayais, mais ça marche. Hey, ouais, je cherchais fort, mais... Nabisco. On dirait, c'est quoi, c'est cœur-circuit? Non, je sais pas. Donc, Nabisco, qui avait un canal de distribution supérieur, un meilleur budget publicitaire, une organisation plus avancée. Donc, Sunshine Biscuits et ses Hydrox avec aucune chance de gagner le marché. Hydrox a survécu, par contre, beaucoup plus petit, mais quand même, ça a survécu. Et là, c'est eux qui passent pour les copieurs d'Oreo. Ça, c'était inévitable. Keebler a acheté la marque plus tard, Hydrox, et ils ont renommé ça Keebler Droxies. Donc, je sais pas si c'est disponible au Québec, des Hydrox ou des Droxies, j'ai jamais vu. Ouais, moi non plus. De toute façon, ça marcherait sûrement pas. Par contre, les biscuits semi-Oreo de marque Jean Chaud du Président, là, ça a marché, ça. C'est bon, ça? Oui, c'est bon. C'est moins cher. C'est moins cher, exact. Souvent, c'est le même recette. Ben, c'est pareil. C'est pareil. Mais c'est un emballage qui change. Ça fait tellement longtemps que ça existe, je pense qu'on a eu le temps de trouver la recette. Souvent, c'est fait dans les mêmes usines, en plus. Ouais, exact. Aux États-Unis, la margarine était rose dans le temps. Tu t'es dit peut-être blanche, rose. Peut-être jaune, mais elle était rose. C'est en 1800. C'est pas de la barbe à papa, là. Mais ça goûte aussi bon, mais dans un autre sens de bon. Ça. Ouais. Donc, en 1877, les premiers États aux États-Unis à avoir passé des lois qui empêchaient ou en tout cas au moins restreignaient la vente de la margarine. La raison, c'est parce qu'il y avait un gros lobby autour des compagnies de beurre. Donc, le gouvernement fédéral voulait restreindre la vente de la margarine d'une façon ou d'une autre. Ça a tellement mal viré qu'éventuellement, le gouvernement fédéral a passé une taxe de 2 cents par livre de margarine. Ah ouais? De plus pour faire vendre plus de beurre. OK. Donc, plus d'États ont passé ces lois demandant un étiquetage clair de la margarine, comme de quoi que c'était genre juste de la margarine alors que tu peux acheter du bon beurre, tu sais. Donc, c'est allé encore plus loin que ça. Plusieurs États ont demandé aux manufacturiers de margarine d'utiliser du colorant rose dans la manufacture. Donc, la raison, c'était pour rendre le produit, pour qu'il ait l'air dégueulasse, finalement. Pour pas que les gens en achètent. Tu vois ça, c'est rose, c'est dégueu, je veux pas manger quelque chose non, de rose. Non, mais rose, c'est toast, moyen. Là. C'est moyen, là. Ouais, moyen. C'est pas une tartinade au saumon, ça, là. Ouais. C'est de la margarine, la margarine. Donc, la Cour suprême a dû venir plus tard prendre la décision de tasser ces lois-là, de renverser ces lois-là. Pendant ce temps-là, par contre, 80% des gens ne pouvaient pas acheter de margarine jaune aux États-Unis. Les manufacturiers ont même commencé à vendre des capsules de colorant pour recolorer la margarine jaune à la maison. Donc, t'achetais ton pot de margarine rose, t'avais une petite capsule que tu pouvais acheter à part. Tu push ça dans ta margarine, tu brasses ça, puis ça redevient jaune. Moi, je trouve pas l'idée géniale. Ben, en même temps, fais-je le manger, écoute la même affaire. Ben, c'est ça, à la limite, c'est du colorant. S'il faut que t'apprennes rose, puis t'as la change de couleur, en ce coup. Puis à mon avis, là, si tu veux que ça reste bon, puis tu le vois pas ton rose, là, fais-toi une tartine. Il en deux. Toi, t'as-tu plus beurre ou margarine? Plus margarine, malheureusement, ouais. Ma copine me force à acheter ça, même si j'ai entendu beaucoup de bienfaits par rapport au beurre. Vraiment, j'ai entendu dire que c'était pas mal meilleur pour soi que la margarine. Mais ça revient, on dirait. Le ça beurre revient? Oui. Oui, je pense que oui. T'as bien raison, mais c'est bon, c'est salé, ça. Et on termine avec celui-là, tiens, en juillet 1973, le 20 juillet, Bruce Lee, tu connais Bruce Lee? Ben, hey! Il travaillait sur le film Game of Death. OK. Game of Death. Donc, il était en train de souper. Tu sais peut-être la suite de l'histoire, mais je la raconte quand même. Il a commencé à avoir des maux de tête. Il a pris des pilules, des antidouleurs, mais il était allergique à ces antidouleurs-là. Il est mort le lendemain matin. D'accord? Donc, à ce moment-là, le film Game of Death était seulement partiellement terminé. Donc, les producteurs du film ont décidé d'utiliser des extraits qu'ils avaient déjà filmés de Bruce Lee, combiner ça avec des scènes filmées par d'autres acteurs. Là, tu dis, okay. Mais attends un peu, là. C'est-tu parce que, et là, commentaire raciste, mais je pense que tous les Asiatiques se ressemblent, ce qui n'est pas ma façon de penser du tout, mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Non, pour expliquer ça, c'est les producteurs ont filmé la funéraille de Bruce Lee, OK? Donc, ils ont écrit dans l'histoire que Bruce Lee avait fait semblant de mourir, donc il avait faké sa mort, comme on dit. Et donc, comme ça, c'était normal que les acteurs qui étaient déguisés comme Bruce Lee, dans le film, ouais. On se dit c'est Bruce Lee déguisé. Mais finalement, c'est des gens qui se déguisent en Bruce Lee, qui se déguisent en d'autres gens qui se déguisent en Bruce Lee. Tu comprends? Okay. Donc, il portait des déguisements en maintenant l'impression que c'était le même personnage de Bruce Lee. Donc, en plus, pour rendre sa mort plus crédible, ils ont fait une scène avec un carton de Bruce Lee. Un carton de Bruce Lee découpé, collé sur un miroir. Wow. Je te dis, pour faire cette scène-là, parce qu'il n'y a pas le choix de prendre quelqu'un qui ressemblait vraiment beaucoup à Bruce Lee. Et ce qui ressemble à Bruce Lee, autre qu'un carton coupé. Ça doit changer un peu l'histoire, hein? Ça doit changer. Faut que tu tricotes autour de quelque chose. Ouais, t'as pas le choix, là. Et le plus fou là-dedans, c'est que les producteurs ont fait une suite à Game of Death, mettant en scène le vrai Bruce Lee, mais avec des clips qui avaient jamais été utilisés, donc des choses qui n'avaient pas pu se servir pour le vrai, le premier Game of Death. C'est dans le deuxième Game of Death 2. C'est quelque chose. J'adore ça. Voilà pour la chronique, c'est un fait pour aujourd'hui, François. Merci Mathieu. Ça fait plaisir. Ben gros. Merci beaucoup. Ben gros. C'est même pas moi qui ai fait la chronique, c'est un mois en carton. Collé sur un miroir. C'est ça. Hein? Face à l'envers. Hein? Face à l'envers. Par en bas ou tu veux qu'on voit mes fesses? Hein? Non, on voit tes fesses. Ok. C'est encore une joke contre mes fesses. Là, tu es en train de dire que j'ai gros. Ah putain. Hey, on revient après la pause avec la chronique de Marie-Pierre Laforge-Bourg. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à assemblage requis. On parle des activités de AGEQTR avec Anne-Julie Durocher. David Perron nous sort sa chronique Graines de pivot et on apprend des choses dans C'est un fait. C'est à assemblage requis demain dès 7h. Soyez-y. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire, plan inclus. Wintermid, c'est la pièce Le Paradis à Assemblage requis. Il est 8h38 minutes. Hein, François-Olivier Marchand? Oui, Mathieu Plante. C'est vrai que pas les affaires à terre. Non, ça passe proche. Ouais. On a évité le pire. Ton liquide, le mettons quoi là-dessus. Ouais. Attends, je vais le mettre ici. C'est ça. Maintenant, on reçoit Marie-Pierre Laforge-Bourret. Voici sa chronique littéraire. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon matin. Bon matin. Comment ça va? Hein? Ça va bien? Oui. Bon. Oui, ça va bien. Ouais, t'as bien invité en studio aujourd'hui. Oui, c'est une chronique spéciale. J'ai apporté une invitée. En fait, je vous explique pourquoi. OK. Parce qu'aujourd'hui, j'ai choisi de parler de 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Gabriel Garcia Marquez, qui est un journaliste, nouvelliste, écrivain colombien. Et mon amie, j'ai une amie qui est colombienne. Et moi, okay. Je me suis dit, je connais pas la Colombie, je vais parler d'un roman colombien. Je vais inviter quelqu'un qui connaît ça, tu sais. Bon. Donc, je vous présente mon amie Maria Vélez, qui est là pour la chronique d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde et merci Marie-Pierre de m'avoir invitée. Elle est fine, Marie-Pierre, hein? Ah, elle est fine, hein? C'est pour ça que c'est mon amie. Bon. Marie et Maria. Marie oui. Et Maria. Oui, Marie et Maria. Et donc, comme je l'ai dit, 100 ans de solitude, qui est un roman qui est paru en 1967. Et Gabriel Garcia Marquez, ça va peut-être vous dire quelque chose parce que c'est lui qui a écrit L'amour au temps du choléra, Chronique d'une mort annoncée. Donc, L'amour au temps du choléra, il y a eu un film sur ça, si je me trompe pas. Ça fait de ça quelques années. Puis c'est un film qui avait eu quand même un bon succès. Mm-hmm. Et c'est lui l'auteur. Okay. Mais je vais laisser Maria parler du contexte d'écriture de 100 ans de solitude. Bon, il y a une chose intéressante de 100 ans de solitude, c'est que Gabriel Garcia Marquez a pensé à l'histoire pendant à peu près 14 ans. Puis il a investi 18 mois pour l'écrire. Il a écrit quand il habitait au Mexique. Et l'idée originelle de cette œuvre surgit lors d'un voyage que Garcia Marquez a réalisé dans son village natal, Aracataca, en compagnie de sa mère. Et de même, plusieurs personnages des 100 ans de solitude apparaissaient dans certains de ses contes, de ses romans intérieurs. Et à titre d'anecdote littéraire, Garcia Marquez avait d'abord présenté son roman à Carlos Barral, qui était le directeur de l'éditorial Six Barral, et qui avait dit à l'écrivain que ce roman n'était pas bon, et qui jamais il aurait du succès avec cette histoire. Ça a été l'un des fiascos les plus grands de l'histoire de la littérature. Il doit s'en être mordu les doigts. Ouais. Bah oui, imagine-toi. Une chance que Garcia Marquez a persisté, et puis il a présenté son manuscrit à la maison éditoriale sud-américana de Buenos Aires, qui a publié la première édition des 100 ans de solitude le 5 juin 1967, comme tu venais de dire. Et puis, il y a une chose intéressante avec le temps de Romain. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte de comment le temps est traité dans le roman de 100 ans de solitude. Oui, je vais en parler tantôt parce que c'est un des éléments importants du roman. Mais pour faire un petit résumé de l'histoire, c'est l'histoire de la famille Buendia qui, Maria me l'a fait remarquer, veut dire bonjour. Ah, okay. Buendia, aussi nono que ça. Et c'est la famille Buendia pendant 100 ans. Donc, c'est pendant 6 générations, on voit leur vie dans un village. En fait, c'est pas un vrai village, c'est un village inventé qui fait beaucoup penser, selon plusieurs dires, au village de Gabriel Garcia Marquez, où il est né, c'est Aracataca. Donc, c'est Aracataca. Aracataca. Et c'est beaucoup inspiré de ce village-là. Et donc, la famille Buendia, c'est José Arcadio Buendia et sa femme Ursula qui, avec un groupe de personnes, ont fondé le village de Macondo après avoir marché pendant des mois à la recherche de la mer. Donc, ils ont tourné en rond et finalement, ils ont décidé de s'installer à un village, à un endroit et de fonder Macondo. Mais ce qui est spécial à propos de ce village-là, c'est que c'est un village très, très isolé. Dans le sens qu'il y a les gens du village, il y a les gitans qui viennent très souvent pour apporter des nouvelles inventions, que ce soit la loupe, la glace, comme de la glace. Là. Ils apportent ça. Ils ont aussi apporté le tapis magique. Et ce qui fait que ces gitans-là reviennent, c'est que, justement, José Arcadio Buendia, qui est le fondateur du village, lui, il trippe sur ça. Donc, lui, il va essayer, il va se créer un laboratoire d'alchimie, il va triper sur la loupe, il va essayer de faire des choses avec la loupe. Et bon, c'est ça. C'est un village qui est très, très isolé. Il y a la famille Buendia, il y a plusieurs autres citoyens, mais c'est très fermé sur eux-mêmes. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que on vit les drames de la famille, les naissances, donc okay. Des enfants qui naissent, les mariages. Donc, par exemple, il veut marier sa fille, il essaie de le marier au fabricant de piano. Il y a des tragédies. Donc, un fils qui quitte avec une gitane parce qu'il est tombé soudainement amoureux de la gitane. Et là, il disparaît. Et il revient, on le sait pas, 20 ans plus tard, peut-être plus. On le sait pas. Et d'autres naissances et d'autres naissances. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ont tous le même nom. Okay? Oh. Donc, il y a José Arcadio. Ça devient pas mêlant? Oui, c'est ouais. Super mêlant parce qu'il y a José Arcadio père, Ursula, José Arcadio fils, Arcadio fils, José Arcadio le fils de la mère, Aureliano. Donc, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Ce qui fait que dans le roman, ça crée un peu le style littéraire de ce roman-là, c'est que c'est... oui, c'est mélangeable, mais c'est en même temps, c'est comme un temps cyclique. Parce qu'il y a okay, des personnages qui arrivent. Tu sais pas exactement quel âge ont les personnages quand les autres arrivent. Et c'est les générations s'enchaînent une à la suite de l'autre sans que tu puisses dire qui est qui. Donc, à un moment donné, tu sais plus lequel qui fait quoi. Est-ce que c'est le frère? Est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est le fils? Donné, c'est ça, tu passes outre parce que j'imagine que ça n'a pas vraiment d'importance. T'as pas le choix. Mais t'as pas le choix. Puis ça, non, ça n'a plus vraiment d'importance parce que c'est vraiment l'histoire de la famille. C'est un temps qui est cyclique. Les morts, les naissances. Et c'est ça qui est intéressant. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que dans le livre, tu sais pas à quelle époque t'es. Parce qu'au début, tu as l'impression que c'est dans un temps vraiment reculé, donc aux alentours de peut-être 1800. Tu as l'impression que tu es à peu près là et tout d'un coup, ah, il y a des inventions qui arrivent, donc tu dis, oh, on est rendu plus en 1900 quelque chose. Il est sur Facebook, puis là. Oui, il est sur Facebook. Mais non, tu sais plus où est-ce que tu es exactement, puis on dirait que c'est ça qui fait la beauté de la chose parce que on dirait que tu sautes des années sans t'en rendre compte. Donc, c'est un peu sauter du coq à l'âne d'un certain moment, bon, il se passe ci. Poup, on arrive dans l'autre chapitre, c'est autre chose complètement. Et c'est non, ça fait un genre de climat un peu magique parce que t'as l'impression il y a toujours quelque chose de nouveau qui peut arriver qui a pas vraiment rapport avec ce qu'il y a avant. Par exemple, à un moment donné, il y a un étranger qui arrive, il adopte une jeune fille et elle a la peste du sommeil. Donc, elle dort pas la nuit, elle reste les yeux grands ouverts et ça se transmet. Donc, tout le village va se réveiller toute la nuit et ça apporte des pertes de mémoire. Donc, c'est ça, c'est comme un village super isolé, des familles, l'histoire de la famille. Mais des fois, il y a des personnages qui arrivent de l'extérieur, qui viennent, qui apportent des genre de choses comme ça, genre la peste, du sommeil. Donc, le monde dort plus, ils virent malades, ils se mettent à tout oublier. Et non, c'est ça, ça a quelque chose d'un peu spécial. C'est un climat que nous, les Québécois, on connaît pas. Et, ouais, exactement. Oui. C'est ça, ça dépayse complètement. Et aussi, à un certain moment, il y a comme une guerre qui se déclenche. Donc, le village de Macondo est super isolé. C'est un village apolitisé. Donc, il n'y a pas de politique et ils n'en ont pas besoin. Ils se débrouillent très bien comme ça. Mais à un certain moment, en Colombie, bon, ce qu'on comprend, c'est que il y a les conservateurs, les libéraux qui se chicanent un peu et ils obligent Macondo à se politiser. Et tout d'un coup, la famille Buendia part en guerre. Donc, ça sort un peu de nulle part parce qu'auparavant, on n'avait jamais entendu parler de politique. Donc, c'est toutes des choses comme ça. Le roman tourne autour de ça. Autour du village, de la famille, donc de la fondation du village, de sa prospérité, donc prospérité économique, et de sa déchéance. Et je vais laisser Maria parler de certaines de ces choses. Il y a une chose intéressante parce que tu disais qu'on ne peut pas très bien savoir où se place le roman dans le temps, mais il y a quelques points de repère qui permettent de savoir exactement dans quel moment de l'histoire colombienne est placé le roman. On dirait que ça se situe entre la moitié du 19e siècle et la moitié du 20e siècle. Puis il y a deux questions qui nous aident à savoir. L'une chose, c'est la guerre que tu venais de parler, c'est la guerre entre libéraux et conservateurs, ça se passe partout. Hein. Puis il y a aussi ce qu'on appelle dans l'histoire colombienne la massacre des bananeraies. Donc la première chose, ça a été une guerre civile, effectivement. Le massacre de quoi? Bananeraies. C'est les plantations de bananes, okay. Là où on cultive le banane. Okay. Effectivement, dans l'histoire de la Colombie... C'est le nerf de la guerre. Ouais, dans l'histoire de la Colombie, il y a eu un moment après la guerre civile entre libéraux et conservateurs, où la United Fruit Company, exactement, est arrivée en Colombie. Ils ont fait des grosses plantations, des grosses cultives des bananes. Puis il y a eu des problèmes avec les travailleurs, parce que les traitements étaient inhumains. Les travailleurs ont fait une grosse grève. Et dans un moment donné, il semble qu'avec l'aide de l'armée, de certains secteurs de l'armée, et la compagnie américaine a tué plusieurs des travailleurs qui faisaient partie de la grève. Ça fait partie vraiment de l'histoire de la Colombie. Okay. Puis il a des références claires. Ça date à peu près de... Début du 20e siècle. Okay. Mais c'est drôle parce que justement, c'est ça qui fait que nous, on est complètement en dehors de ça. Ça donne l'impression que c'est une histoire complètement inventée. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a eu une guerre en Colombie? Nous, on ne le sait pas. Donc, c'est une histoire inventée pour nous. Puis c'est ce qui fait... En même temps, la beauté du regard étranger quand tu viens... Et c'est fun aussi de se faire dire que ça arrive, justement, pour vrai. Ouais, ça s'est arrivé. La guerre civile dont le roman parle, ça s'est arrivé. Et ça a été une guerre comme ça. Les populations étaient... La plupart des fois, il y avait des populations qui étaient presque au complet, soit conservateurs, des gens des conservateurs, soit des libéraux. Puis, dans un moment donné, la guerre éclate. Puis, tous les gens du village décident de prendre parti. C'est ça qui arrive exactement dans le roman. En fait, on dit, mais pourquoi ça se passe comme ça? Tout le monde part à la guerre. On prend partie de l'eau. De l'arme des secteurs. Et la famille Buendia, il y a certains de ses membres, donc je pense que c'est Aureliano, ou je ne sais plus trop lequel. C'était les colonels. Qui devient colonel. Ouais. Mais il était apolitisé auparavant. C'est en réaction à son beau-père qui dit, non, moi je suis conservateur, je ne sais pas trop quoi. Lui, il dit, moi je vais être le contraire, je m'en vais être colonel libéral. Ouais. Et la guerre a éclaté un petit peu comme ça. Bah, pas si exagéré que dans les romans, mais on comprend que ça fait partie des traits de la littérature, des figures qu'il utilise pour raconter l'histoire. Mais effectivement, il y a eu une guerre qui s'est éclatée d'un moment à l'autre comme ça et qui a fini grâce à la signature d'un traité de paix. Et ça, c'est raconté dans le roman. Dans le roman, effectivement, le colonel Aureliano Buendía, c'est lui qui signe le traité et la paix continue jusqu'à la fin du roman. C'est 100 ans de paix. Et si on voit dans l'histoire de la Colombie, on ne peut pas dire qu'il y a eu 100 ans de paix. C'est pas nécessairement ça. Mais dans un moment donné, seulement la signature d'un traité de paix a permis une certaine calme. Stabilité. Oui, une certaine stabilité. Et puis, l'histoire du massacre de Bananere, là, il y a des références très claires. Parce que même dans les romans, c'est l'armée qui arrive et qui finit avec la grève. Donc, ça fait référence vraiment à ce qui s'est passé dans l'histoire. OK. Ça, c'est bien, ça. Ouais, c'est bien de le savoir. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est pour ça que je l'ai invité, parce que moi, c'est le genre de choses que je savais pas, puis je connais pas l'histoire du pays, donc quelque chose. Elle connaît ça. Puis il y a aussi les références géographiques qui sont très très claires, parce que, bon, il y a d'abord l'idée qu'on a que Macondo a des références à la Kataka. C'est pas la première. Bah, Macondo n'est pas utilisé la première fois dans Cent ans de solitude. Il y a aussi une nouvelle qui s'appelle Un jour après le samedi, qui a été publiée en 1954, où García Márquez utilisait déjà l'espace de Macondo pour son récit. Mais aussi les références géographiques 4 avec ce qu'on connaît comme les Caraïbes en Colombie. La région Caraïbes, ce n'est pas seulement les côtes au bord de la mer. Il y a une région qui s'étend de Marécage de la Ciénaga Grande de Santa Marta jusqu'à la Sierra Nevada de Santa Marta, qui est comme un petit massif montagneux isolé des Andes, qui donne un paysage complètement différent du reste du pays, qui est un pays montagneux. Là, c'est une région complètement différente. Il y a un désert, il y a des massifs montagneux avec la neige. Ça, c'est bizarre. Ah, ouais, il a la neige. Ça, c'est bizarre chez nous. Et donc, c'est vraiment un paysage qui est très subtil pour raconter une histoire comme ça, où la magie s'émêle avec le réel. Et c'est pour ça qu'on considère que Cent ans de solitude est un roman exemplaire du réalisme magique. C'est bien dit. Hein? Très bien dit. Oui. Bien fait. Et l'accent aussi pour les noms de villes, les lieux, là, moi, je ne serais pas capable de répéter ça. Non. Ouais, c'est ça. C'était rapide et c'était bien dit. La question de la langue, tu vois. Puis, il y a une chose avec la question de la langue, il y a une chose intéressante aussi. La Royal Academy de la langue espagnole a publié en 2007 une édition commémorative de Cent ans de solitude, précisément parce que à ce moment-là, c'était l'anniversaire 24e de García Márquez et aussi le 24e anniversaire de sa mort. 24e anniversaire de García Márquez. Non, de sa naissance. Il est encore vivant. Ah, ben oui, il est encore vivant. C'est un facteur que très bien. Très bon état. Il est né en 1927. Ça fait 40 ans. À peu près. C'est ça. La même année, on fêtait son anniversaire, numéro 80. Puis ça faisait 40 ans qu'il avait publié Cent ans de solitude. Ah, ok. Donc il a connu le succès à 40 ans. On a de l'espoir. Ouais. Ouais, mais après avoir tout vendu dans sa maison ou presque. Ouais, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien au moment d'écrire le roman. Même il y a une petite anecdote aussi, c'est qu'il a envoyé le manuscrit du roman en deux parties parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer le course en voie la première fois. Donc il a envoyé la moitié, puis l'éditeur l'a lu, il a dit oui, je suis intéressé. Ça fait un suspense, je veux lire. Je te donne un petit peu d'argent et envoie-moi l'autre partie. Mais excellente tactique, il y a même ceux qui ont de l'argent. C'est un suspense. Hein? Mm-hmm. Donc, c'est ça, c'est pour ça que je vous propose la lecture de ce roman-là, parce que justement, ça propose quelque chose de différent, qui est un peu, c'est un peu déstabilisant. C'est pas comme lire un roman québécois ou lire un roman français. On connaît un peu plus l'histoire française que l'histoire colombienne, qui est un peu inconnue pour nous. Donc, ça apporte un exotisme. C'est quelque chose de complètement différent. C'est quelque chose il y a un peu de magie, comme elle a dit, le réalisme magique. Et c'est pour ça que je vous le propose. Et avertissement, c'est un livre à lire, à déguster lentement. Donc, c'est pas un livre que tu as envie de te dépêcher à lire parce que, justement, ça te met dans un type d'ambiance, ça te met dans une histoire que tu as le goût de prendre le temps. Et oui, c'est un bon livre. C'est à peu près 400 pages. Mais ça se lit bien, mais il faut prendre le temps faut de prendre lire. Ça vaut non. Okay. Ouais, c'est pas un livre je me dépêche à le lire parce que non. C'est quand parce que j'ai le temps, un cours demain puis parce que j'ai un cours demain. Non, c'est ça, prenez le temps de le lire, ça vaut la peine. Un petit livre qui te suit pendant un mois l'été là, c'est le genre de livre là. Ouais. C'est un bon livre d'été. Oui, un bon livre, oui, tu sais, t'as envie de déguster, t'as le temps de le faire. Oui, voilà. Génial. Donc, 100 heures de solitude. Oui, 100 heures de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Est-ce qu'on apprend à le dire 100 años de soledad. Eh ben, je suis déjà perdu. Come on, Mathieu. Donc, répète-le, Marie-Pierre, vas-y. 100 años de soledad. Bravo. Super. OK, j'ai rien dit. Donc, Marie-Pierre Laforge-Bourret. Oui. Et ton invité, Maria... Vélez. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Ça fait plaisir. Très réussi, très bonne chronique, j'apprécie. Ah. Marie-Pierre, on te retrouve pas, finalement. C'est ma dernière chronique de la session. C'est déjà la dernière. Ouais. Ben écoute, merci d'avoir été avec nous. Oui, merci. Ben ça fait plaisir. J'aime toujours ça, venir aux deux semaines, venir faire une chronique. Passe nous voir cet été, même si t'as rien à dire. Même si j'ai rien à dire. Quand tu vas être le jeudi après-midi. OK. Tu connais la case horaire, je pense. Je connais la case horaire. Merci beaucoup. Ben ça fait plaisir. Merci. Nous, on se quitte pour l'émission d'aujourd'hui. C'est déjà terminé. Ça a passé vite, oui. Je trouve. Ben oui, certainement. Belle émission remplie de contenu, on aime ça, une fois de temps en temps, je trouve. Le reste du temps, ben, ça dépend des gens qui viennent. Et demain, d'ailleurs, on va avoir Anne-Julie Durocher qui va nous parler de la GEUQTR. Oui, à 8h. On n'aura pas Jasmine Raymond-Dréville demain, par de gens qui viennent pas, donc c'est ça, il n'y aura pas ça. Par contre, il va y avoir à 8h30 la chronique de David Ferron, Graines de Pivot. Formidable. On a Graines de Pivot, c'est comme un hommage à Bernard Pivot. OK. Tout en étant Graines de Pavot. Oui, ouais, c'était... On l'explique à chaque fois à l'émission, c'est confus. C'est confus, un peu. Mais bon, on aime ça de même. On aime ça pouvoir faire des jeux de mots de graines aussi. Ah. Mais ça, je me suis retenu jusqu'à maintenant. J'en ai même pas fait. Là. Tout ce que j'ai fait, c'est de dire jeu de mots de graines. C'est même pas un jeu de mots, ça. Non. C'est juste une constatation. Aïe, aïe. On se quitte, François, avec ton choix musical que tu me fournis à l'improviste comme ça. À l'instant comme ça. Moi, je veux dire aux gens de nous retrouver demain. Oui, merci. Parfait. Demain, à l'émission, comme on disait, plein de bonnes choses, mais aussi le reste de la programmation est tout aussi fabuleux. Donc, restez sur nos ondes là, en ce mardi matin, pour entendre à 11h le dîner de con. À 13h, c'est Connaître ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. À 14h, c'est La langue dans ton oreille avec David Ferron, le même gars que Graines de Pivot, oui. À 16h, c'est Le voyage de Solite et album classique en rappel. À 19h, c'est du métal et de l'horreur avec réanimation. Comme tu le disais, François, on se quitte avec Lay My Head Down, l'extrait du palmarès anglophone de la formation Band of Skulls. Merci à tous. Et bonne journée. Bonne journée, Mathieu. Et bye-bye. shoulder and run. Keep it away from my soul. I'm not holding it all. I'm gonna lay my head down on your shoulder.